voir simplement autant heureuse que nous sommes. Vivre vers mes noms toujours. Le sabot est tellement mâché. Je vais tout quitter pour rester caché. Caché. Caché. Caché. Caché.